heureux comme un chien dans un chenil. Les Brésiliens dansent la samba et chantent jamais, jamais plus. Rio Riots, je vais partir pour Rio. Rio Riots, allez les bleus, allez Rio. Rio, c'est la fête du football. Rio Riots, ça va tirer au flashball. Je vais bronzer à Copacabana, ma télé qui rebondit des nanas. Les Brésiliens dansent la samba et scandent jamais, jamais plus. Rio Riots, je vais partir pour Rio. Rio Riots, allez les bleus, allez Rio. Rio, c'est la fête du football. Rio Riots, ça va tuer au flashball. Flashball.